Nyangi. Lundi 21 mars, auditrice, auditeur de la radio Isanganiro, bonjour, voici les grands titres de cette édition. Respect ce lundi en mairie de Bujumbura de la mesure du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions portant délimitation des zones de travail pour les bajajs, vélos et motos. Cependant, c'est difficile pour les uns, une perte pour les autres. Dans cette édition, on fera le point dans les communes urbaines de Narangwa et Muha. Près de 230 Burundais ont été refoulés pendant les deux dernières semaines et proviennent du Rwanda et de l'Ouganda. Ce sont des irréguliers, affirme l'autorité provinciale de Kirundo. La chronique sportive de ce lundi sera centrée sur le fonctionnement des académies. Ce sera avec le directeur des sports au ministère ayant les sports dans ses attributions. Le point, c'est dans cette édition mise en onde par Innocent Bibonimana. Rebonjour et bienvenue. Page santé pour débuter cette édition. Les médicaments contre le diabète et l'hypertension artérielle sont disponibles à la centrale d'achat des médicaments. Kamebwe sont désormais donnés gratuitement aux adultes. Ceci contient dans une correspondance du ministère de la Santé publique du 4 mars adressée au chef de district sanitaire. Le ministre de la Santé publique demande à ses chefs de district d'identifier le nombre de diabétiques et des hypertendus dans leur aire de responsabilité et rendre disponibles les médicaments contre le diabète et l'hypertension artérielle dans la pharmacie de district. Dr Sylvine Zeimana leur demande d'exprimer les besoins en médicaments et la tenue également à préciser dans cette correspondance que les listes des bénéficiaires et les besoins quantitatifs en ces médicaments doivent être transmis au programme national de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles en ayant 10 jours à compter à partir du 4 mars de cette année. Et près de 230 Burundais ont été refoulés durant ces deux dernières semaines du Rwanda et de l'Ouganda et sont arrivés au Burundi via la frontière de Gasenyi-Nemba en commune Busoni de la province de Kirundo. Ces personnes vivaient dans l'irrégularité, affirment les autorités provinciales de Kirundo. Et Albert Hatungimana demande à la population, surtout des collines proches de la frontière, d'être vigilante afin de repérer toute entrée clandestine. C'est après qu'une personne refoulée ait été testée positive au COVID-19 et contaminé 20 personnes. Le point avec Abraham Safari. Les refoulés burundais provenant du Rwanda et de l'Ouganda ont été accueillis sur la frontière de Gasenyi-Nemba en commune de Busoni dans la province de Kirundo durant les deux semaines écoulées. Cela a été précisé par le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, où il a précisé également que ces refoulés doivent d'abord être mis dans un lieu de transit avant de rejoindre leur commune ou province d'origine. Le gouverneur Albert Hatungimana demande à la population vivant sur les collines frontalières du Rwanda d'être vigilante pour mettre les mains sur toute personne voulant entrer clandestinement sans être dépistée. Il a dit cela au moment où 20 personnes de la colline Yamabuye en commune de Bugabira viennent d'être testées positives au COVID-19 suite à une femme qui s'est introduite à travers le lac Tchohora et a contaminé toutes ces personnes. La même source précise que cette femme, après son appréhension le lendemain, a été testée positive. Entre-temps, 7 parmi les 20 personnes testées positives au COVID-19 sont déjà guéries et ont rejoint leur famille. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Certains des habitants de la commune Nyanzalak en province Makamba, c'est au sud du Burundi, disent manquer d'électricité du côté de Bouké. Le transformateur a été n'est plus fonctionnel. Cela fait deux semaines et cela étant au moment où de l'autre côté de la commune Nyanzalak, le courant électrique se caractérise par des coupures intempestives. Le directeur général de la Régie des eaux, docteur ingénieur major Jean-Albert Manigomba, fait savoir qu'il est au courant de cette situation et que ce problème va être résolu bientôt. Le point avec Élisée Kwizera depuis Makamba. Le manque du courant électrique occasionne une grande perte pour ceux dont leurs activités quotidiennes dépendent de ce courant, à l'instar des usagers des réfrigérateurs, des moulins, voire d'autres. Telles sont les plaintes de certains habitants de la commune Nyanzalake suite au manque de l'électricité du côté de Oukeye et à sa rupture intensive qui s'observe dans cette commune. Ils demandent à la régie des eaux de faire le mieux possible pour résoudre ces problèmes. Au niveau de la régie des eaux, le directeur général docteur ingénieur major Jean-Albert Manigomba fait savoir qu'on est au courant de cette situation et qu'on est en train de déployer beaucoup d'efforts pour sa résolution. Il annonce aux habitants de Bukeye que le transformateur électrique est bloqué, selon qu'il était trop surchargé, sera substitué au cours de cette semaine. À propos de la rupture intensive, il rassure la population de la région sud en général et celle de Makamba en particulier que cette rupture prendra fin à partir de mi-avril grâce à la nouvelle centrale hydroélectrique de Ruzibazi qui sera bientôt opérationnelle. Vous saurez qu'il y a 2 semaines sans que cette localité de Bukeye soit alimentée en électricité. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. De Makamba, rendons-nous en province Ngozi, c'est au nord du Burundi où le gouverneur de cette province demande aux administrateurs communaux d'emboîter le pas de la commune Marangara dans l'encadrement des étudiants ressortissants de leur commune. La commune Marangara loue des maisons pour les étudiants qui n'ont pas où loger dans différentes villes, mais aussi leur fournit des vivres. Et puis pour De Baranikwa, gouverneur de la province, dit que cela contribuerait à l'augmentation des effectifs des universitaires dans cette province sans attendre les bienfaiteurs. Le point avec Apollinaire Muzagara. Le gouverneur de la province Ngozi demande aux administrateurs communaux la mise en place dans les principales villes comme Bujumbura, Gitega et Ngozi, des maisons universitaires pour accueillir les étudiants des premières années qui n'ont pas où se caser, selon un petit peu de Baranikwa. Il y en a qui ne fréquentent pas les universités, faute de loge, une perte selon lui pour la commune. Chose déjà faite par la commune de Marangara, où l'administrateur de cette commune fournit même des vivres composés de régimes de bananes, de la pomme de terre, charbon de bois et autres à ses étudiants, casés dans de telles maisons universitaires louées par la commune dans ces villes. Parmi les causes du faible rendement dans le domaine de l'éducation en Ngozi, l'insuffisance de bancs pupitres et de livres pour les bancs pupitres, cette question devra être vidée avec cette année, dit le gouverneur Tupo de Baranikwa. Les administrateurs communaux sont appelés à contacter les services d'habilité pour avoir une autorisation de coupe d'arbres et par là fabriquer ces pupitres. L'an prochain, les communes se pencheront, selon le gouverneur, à la recherche de livres pour élèves et enseignants. Cette autorité parle d'actes. La régie de production pédagogique a récemment mis en place son antenne en ville d'Ongoze. Dans une réunion de préévaluation, les administrateurs communaux promettent plus d'efforts dans ce domaine en collaboration avec les chargés de l'éducation au niveau des communes et provinces d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganis. Merci à Apollinaire Muzagara. 13h05 dans quelques instants. Vous suivez la chronique sportive de ce lundi avant de parler du respect de la mesure de délimitation des zones de travail pour les badjages, vélos et motos. Radio Isanganiro, chronique sport. Les joueurs qui ont évolué dans les académies sportives ont la chance d'être sélectionnés dans les équipes nationales suite à leur niveau plus élevé dans le domaine sportif. Laurent Zeyman, directeur des sports au ministère ayant le sport dans ses attributions, précise que les entraîneurs de ces académies doivent obligatoirement avoir des licences des entraîneurs. Les détails avec Marie-Claire Kazenez. L'objectif des académies sportives est d'avoir des divisions cadettes et seniors, ce qui n'est pas le cas au Burundi, du fait qu'il y a peu d'académies qui remplissent les normes. C'est l'explication que donne Laurent Zeimana, directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Dans une académie, c'est dans l'objectif d'avoir des divisions cadettes, des divisions juniors, des divisions seniors, pourquoi pas. Là alors, celui qui viendra chercher le joueur que tu as formé dès le bas âge, il ne viendra pas main vide. Vous comprenez que là aussi, c'est un investissement à long terme, mais quand même qui rémunère bien. En général, quand tu as des académies dans diverses disciplines, il est normal que le niveau du championnat local, le niveau dans la sous-région, comme le niveau au niveau continental, se fait remarquer. Le manque des moyens et des équipements sportifs suffisants sont certains obstacles obstacles qui empêchent les hommes d'affaires burundais à investir dans les académies sportives. Je ne doute pas que la jeunesse, c'est la force vive de la nation. Un pays sans jeunesse n'en est pas un. Donc, qui dit jeunesse dit la force de travailler, mais aussi la force de s'entraîner. Et tenir une académie sportive n'est pas à rien. Et ça demande beaucoup de moyens. Ça demande un terrain, ça demande du matériel, ça demande des partenariats locaux ou étrangers et qui donnent tel matériel, qui donnent tel terrain. Mais aussi, le gouvernement devrait voir dans quelle mesure il faciliterait les importations du matériel destiné à l'encadrement ou à la construction des infrastructures sociales communautaires, telles les académies sportives. Parce qu'une académie, je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas uniquement les enfants et les chasubles. Il y a le matériel, il y a les ballons, il y a ce matériel qu'on utilise tous les jours. Selon ce directeur des sports, au ministère ayant le sport dans ses attributions, le gouvernement devrait exonérer les équipements sportifs. C'est un grand investissement qui demande beaucoup de moyens. Une personne à elle seule ne se suffit pas pour pouvoir tout financer et avoir son équipement propre sans la part des partenaires. Une fois que l'exemption des taxes pour l'importation de ce matériel est acceptée, je crois que même ceux qui avaient cette idée vont continuer pour pouvoir avoir un nombre accru d'académies ou d'écoles de sport dans notre pays. Il y a aussi le gouvernement qui devrait faciliter pour qu'il y ait ce qu'on appelle une prolifération des écoles et des académies sportives. Laurent Zeimana interpelle les hommes d'affaires burundais à investir dans les académies sportives et quant aux jeunes, il leur conseille de fréquenter ces académies depuis leur bas âge. Marie-Claire Kazenez, les transporteurs rémunérés des vélos, motos et tricycles en mairie de Bujumbura disent travail à perte par rapport à la période d'avant. La délimitation de la zone de travail, ceux de la commune urbaine de Mouha qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi signale que celui qui pouvait gagner 15 000 francs burundais jusqu'aux environs de 12 heures ne gagne que 1 500 actuellement. Ils expliquent n'avoir pas de clients, une situation empirée par le manque de carburant pour certains. Suivez ce micro-trottoir de l'Inibel Nibigira. Avant, je pouvais avoir de l'argent, mais je n'ai même pas encore touché 3000 francs. Il n'y a aucune ressemblance. Tenez, il est 10h08. Je n'ai pas encore touché 1000 francs depuis le matin. Je stationne ici la moto depuis 6h du matin sans client. On n'a même pas de carburant. Demain, on ne va pas travailler car ici, à Bonesha de Kamesa, on ne trouve pas d'essence. Si au moins on nous laissait arriver sur la station, nous souhaitons cette facilité pour avoir de l'essence. Si j'essaie de calculer, jusqu'à 10h30, je pouvais gagner au moins 4 ou 5 000 francs. Mais maintenant, je n'ai pas encore atteint 3 000 et je n'ai même pas d'espoir car il n'y a pas de clients. Avant, on transportait les gens qui prennent cette direction interdite. Je pouvais avoir gagné un montant de m'acheter du thé. Mais maintenant, non. Franchement, il faut que les autorités révisent la mesure. Nous en sommes victimes. Ceux de Moussaga ont déménagé ici. Nous, les conducteurs de vélo, nous sommes désœuvrés. Jusqu'à 10 heures, je pouvais gagner 4 000. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore gagné 500 francs burundais. Je n'ai rien. Ici, on dépassait le pont, on arriverait à gagner l'argent. Mais aujourd'hui, je n'aime pas 2 000 francs jusqu'à maintenant. Moi, je trouve que ce travail nous cause des ennuis avec nos patrons s'ils n'acceptent pas de nouvelles conventions. On doit s'exécuter car on ne se rebelle pas contre la mesure du gouvernement. Avant, je devrais avoir trouvé le versement pour m'efforcer avec la suite, mais aujourd'hui, je n'en ai pas. Quand on se réveille tôt, on pouvait avoir 18 000 ou 16 000 jusqu'à maintenant, mais personne ne pouvait gagner moins de 15 000. Mais si on vérifie, on est encore à 5 000, ce qui veut dire que ça ne va pas vraiment. Moi, j'ai 6 000, alors que j'ai commencé à 6 heures. Avant, je devrais avoir 15 000 francs. Moi, je pouvais avant avoir au moins 15 000. Mais aujourd'hui, je n'ai que 1 500 francs dans ma poche. C'est ce que vous pouvez vous-même constater. Il n'y a personne. Les qui me donnaient 1 000 francs me proposent aujourd'hui 500 ou 400 francs. Quittons la commune urbaine de Mouha, rendons-nous au nord dans la commune urbaine de Nahangwa où nos reporters ont fait le déplacement et se sont entretenus avec des commerçantes des marchés du Kotebu et Bujumbura City Market. Le point avec Jean-Marie Mayong. Ces commerçants disent que le déplacement de leurs marchandises ne sera pas facile et montrent que pour avoir assez de clients, la situation ne sera pas comme avant l'interdiction de tuk-tuk, moto, vélo en ville. Ces commerçants affirment qu'ils vont travailler à perte suite au manque de clients et cela peut entraîner la hausse des prix des denrées alimentaires. Ils précisent également que là où ils payaient 1000 francs, aujourd'hui ils sont obligés de payer 3000 francs pour leur déplacement. Ces commerçants souhaitent que le gouvernement fasse tout ce qu'il faut en prenant d'autres alternatives pouvant faciliter le déplacement des citoyens. Dans différents lieux visités, le constat est que les gens utilisent la ligne 11 pour se déplacer avec leurs marchandises à la tête. Jean-Marie Mayonga, voilà à 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce lundi 21 mars. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse régionale avec Ornella Mucho et Omer Ndouayou. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette revue de presse régionale. Débutons cette revue régionale par la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, invite les provinces du pays à s'approprier le programme de développement local de 145 territoires, écrit le journal Forum des As. C'était lors de l'ouverture solennelle du séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du dit programme organisé samedi à l'attention des députés provinciaux à Kinshasa. Pour le président Félix Tshisekedi, ce programme de développement local de 145 territoires qu'il a initié se base sur une approche volontariste financée principalement par les ressources propres dans le but de permettre une convergence rapide de revenus et de conditions de vie entre les populations rurales et celles du milieu urbain. S'adressant aux séminaristes, le président de la République a souligné que ces assises, en l'an du 19 au 29 mars 2022, offrent une opportunité aux provinces de s'approprier de ce programme, poursuit le Forum des As. Le journal du Monitor de l'Ouganda rapporte que les législateurs doivent élire un nouveau président du 11e Parlement à la suite du décès du titulaire Jacob Oulanya, conformément à la constitution ougandaise. L'article 82 stipule que, sous réserve de l'alinéa 4 de l'article 81 de la présente constitution, aucune affaire ne peut être traitée au Parlement autre qu'une élection au poste de président à tout moment où ce poste est vacant. Selon ce journal, le bureau du président est devenu vacant après que le président Museveni a confirmé hier qu'Oulanya décédé à Cito, la capitale de l'État de Washington aux États-Unis. Uhuru m'a durement jugé, dit Ruto, écrivent nos confrères du journal The New Vision. Le vice-président, le docteur William Ruto, a déploré ce dimanche que le président Uhuru Kenyatta l'ait jugé à tort comme quelqu'un qui ne pouvait pas protéger ses intérêts en dehors du gouvernement. S'exprimant dans le comité de Muranga, où il a pris son alliance Kenya Kwanza, le docteur Ruto a déclaré que le président était son ami et qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse trahir cette amitié. Le quotidien Mwananchi de la Tanzanie revient sur les accidents. Deux jours après l'accident de bus et de camion qui a tué 23 personnes dans la région de Morogoro, un autre accident de minibus, Quaster, a tué deux personnes dans la région Oilcom, Nanenane, dans la région de Morogoro. L'accident s'est produit le dimanche 20 mars 2022 à l'aube. La cause de l'accident étant l'excès de vitesse d'un conducteur de Quaster décédé alors qu'il était soigné à l'hôpital régional de référence de Morogoro, selon toujours le quotidien Mwananchi. Les victimes de l'accident s'adressant à Mwananchi ont déclaré que depuis qu'ils avaient commencé le voyage vers Mbedi à Dar es Salaam, le chauffeur accéléré et lui avait demandé de ne pas conduire si souvent, conclut le journal Mwananchi. C'est par ici que prend fin cette revue de presse régionale. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous étiez avec Omer Ndouayo et Ornella Mucho. Merci à vous tous. Au revoir. Sous-titrage.